Une manche à air précise la direction et la force du vent. Les coups de vent peuvent provoquer des écarts de direction.